Radio Picnic with Collaboradio on 88.4 Creative Radio in Berlin. Hello, liebe Leute in Berlin. Wir sind live in Brussels in Radio Picnic und wir werden heute haben eine Radiosendung in französischer Sprache machen, wegen mit einer französischen Künstler sind. So, chers auditeurs francophones à Berlin, on est ce soir avec Frédéric Bernier, live depuis les studios de Radio Picnic à Bruxelles. Frédéric Bernier, artiste donc français, artiste de la voix, performeur, voire chaman. On est ici entre cet espace liminal, un espace poétique, un espace musical, un espace du chant, un espace de la gorge, cet organe qui nous permet avec les poumons et la bouche d'articuler la voix. Donc on a Frédéric Bernier qui nous va entretenir pendant la prochaine heure. Frédéric, à toi. Bonsoir. Je commence toujours par une petite présentation. Merci Jonathan. Donc ce soir j'ai apporté des papiers, des papiers plats. Des papiers plats qui sortent d'une machine à papier pour passer dans une autre machine pour être imprimés. Là, les papiers sont propres, plats. Ils sont étalés sur le tapis de Jonathan. Ils sont tout autour de moi. Ça, c'est la situation. Et sur ces papiers propres, plats, il y a des mots imprimés dessus, proprement, à la machine, qui imprime, ou écrit proprement, avec un stylo, mais plat, propre. Tant c'est rare que l'on y trouve une tache de gras. Sur ces papiers qui seront la trame de ce soir, tout autour de moi, ces papiers, des instruments de musique. Sur ces papiers, il y a plusieurs langues. J'aurais pu vous dire cela en allemand, car l'émission est diffusée à Berlin, mais Jonathan m'a dit que la radio était communautaire, donc j'aurais pu, mais je ne voulais pas faire une émission comique. Donc j'utilise le langage où je me sens plus à l'aise. Je ne voulais pas spécialement faire une émission comique. Je ne voulais pas spécialement faire une émission comique. Je vais me racler la gorge aussi souvent que nécessaire, car quand on n'est pas chanteur, on fume, on s'abîme. Je ne voulais pas spécialement faire une émission comique, car une amie est morte vendredi. Laetitia, tu es sans doute encore plus sur les ondes que nous ne le sommes nous-mêmes. Tu recevras donc sans problème le message spécial dédicace qui te sera adressé. Ce soir, il y a, avec ces papiers tout plats partout sur le tapis, il y a, à côté des papiers tout plats partout sur le tapis, il y a un gong acheté en Corée en 2005, alors que je me fourvoyais avec trois autres artistes dans un projet globalisant, à haute valeur de gentrification, comme un missionnaire de l'Occident prêchant la Biennale d'art contemporain. Oui, j'ai fait ça, oui. J'ai fait ça et j'ai d'autres objets plus ou moins exotiques faisant preuve de mon manque de déontologie. Oui, je l'avoue. Il y a aussi une sonora del Pérou. Il y a un tambour à pluie turque de Bruxelles. Des bracelets de cheville. Plusieurs bracelets de cheville dont des bracelets de cheville qu'un ami dont je tairai le nom m'a donné, que sa mère lui avait offerte, en pensant lui faire plaisir car il est musicien. Mais il n'est pas, comment dire, il n'en a pas l'usage. Et donc, il y a aussi un autre bracelet de la tribu des Hamers en Éthiopie qui sert aux cérémonies de l'Ukuli, que ma mère, ma propre mère à moi, m'a ramené. Les mères aiment les bracelets de pied pour les ramener à leurs fils. J'ai donc un bracelet servant à un rituel d'Éthiopie avec moi, car j'ai très peu d'éthique et je vais sans doute m'en servir. Et comme je n'ai pas beaucoup d'éthique, j'imagine qu'il y aura pas mal de laisser aller aussi. Mais je vous rassure quand même, je vous épargnerai les citations trop gênantes qui ne proviennent pas de colonies françaises, comme les voix de gorge. Ou non, ça non plus. Tous ces cadeaux que l'on m'a fait, qui viennent de là-bas, de très loin. Je voudrais saluer là-bas. Je voudrais saluer tous ces cadeaux que l'on a pris pas cher. Oui, pas cher parce que à l'époque, là-bas, quand on allait là-bas, à l'époque, faire du shopping, les poches pleines de fric, ça n'a rien à voir avec aller visiter un ami, hein. Aller là-bas, les poches pleines de fric. Non, non. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, je voudrais, à ce propos, vous faire une petite citation historique d'un enregistrement de Christophe Colomb. Ils nous ont apporté des perroquets, des pelotes de coton, des lances et bien d'autres choses qu'ils échangeaient contre des perles de verre, des grelots. Ils échangeaient très volontiers tout ce qu'ils possédaient. Ils étaient bien charpentés, le corps solide et les traits agréables. Ils ne portent pas d'armes et ne semblent pas les connaître, car quand je leur montrais une épée, ils la saisirent en toute innocence par la lame et se coupèrent. Ils ne connaissent pas l'acier. Leurs lances sont en bambou. Ils feraient d'excellents domestiques. Avec seulement 50 hommes, nous pourrions les soumettre tous et leur faire faire tout ce que nous voulons. À l'époque, nous allions faire du shopping. Là-bas, très loin. Et ce n'est pas comme aller visiter un ami, faire du shopping. Non, non, non. D'ailleurs, on ne va pas voir spécialement un ami les poches pleines de fric. Non, ça, non. Pas souvent. Mais bon, passons sur ça, sur ces cadeaux. Passons sur ces cadeaux et saluons les territoires, saluons les ailleurs, saluons les territoires qui faisaient partie du premier et du second espace colonial français. Saluons-les. Amis de Berlin, saluons-les. Amis du Québec actuel, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse appelée à l'époque Acadie-Terre-Neuve, premier empire colonial français. Saint-Pierre-et-Miquelon, premier et deuxième empire colonial français, République française aujourd'hui. États-Unis, tout le bassin du Mississippi et du Missouri, région des Grands Lacs, dénommée à l'époque Louisiane, premier empire colonial français. Floride, occupation par les Huguenots de 1562 et de 1565. Caraïbes, Anguilla et Antigua brièvement, premier empire colonial français. Dominique, premier empire colonial français. République dominicaine, à l'époque, partie de Saint-Domingue, premier empire colonial français. Bonsoir, bonsoir à tous, les amis, bonsoir. Grenade, premier empire colonial français. Bonsoir, Grenade. Guadeloupe, premier empire, deuxième, République française aujourd'hui. Haïti, à l'époque partie de Saint-Domingue, première. Martinique, première et deuxième, République française aujourd'hui. Montserrat, brièvement, premier empire colonial français. Saint-Martin, Seulement partie nord, première, deuxième empire colonial français, République française aujourd'hui. Saint-Barthélemy, premier, deuxième, République française aujourd'hui. Sainte-Lucie, premier. Saint-Vincent-les-Grenadines, premier. Saint-Eustache, brièvement, premier. Bonsoir, les amis. Île-Saint-Christophe, premier empire colonial français. Trinidad et Tobago, seulement Tobago. Premier empire colonial français. Sainte-Croix, premier. Amérique du Sud, Brésil, Rio de Janeiro brièvement et São Luís brièvement. Premier empire colonial français de 1555 à 660. Guyane française, première et deuxième république française aujourd'hui. Afrique, Afrique du Nord, Maroc, 89% du territoire. Deuxième empire colonial français, puis un protectorat. Algérie française, jusqu'en 62. Tunisie, protectorat, deuxième empire colonial français. Faisan, deuxième empire colonial français. Breda, en Gambie, premier et deuxième empire colonial français. Tous ces papiers. Bénin, à l'époque. Dahomey, deuxième empire colonial français. Burkina Faso, à l'époque. Haute Volta. Cameroun, 91% du territoire, deuxième empire du colonial français. République centrafricaine, à l'époque Ubangi, Tchari, deuxième empire colonial français. Tchad, deuxième empire colonial français. République du Congo, à l'époque Congo français, puis Moyen Congo, deuxième empire colonial français. Gabon, deuxième empire colonial français. Guinée, à l'époque Guinée française, deuxième empire colonial français. Côte d'Ivoire, deuxième empire colonial français. Mali, à l'époque Soudan français, deuxième empire colonial français. Mauritanie, deuxième empire colonial français. Niger, deuxième empire colonial français. Sénégal, premier Saint-Louis du Sénégal, Gorée, et deuxième empire colonial français. Togo, deuxième empire colonial français. Mer Rouge. Djibouti, bonsoir Djibouti. Chers amis, bonsoir Djibouti. Côte française des Somalis, territoire français des Afars et des Isas, péninsule du Cheikh Saïd, au sud du Yémen, deuxième empire colonial français. Océan Indien, Comores, deuxième empire colonial français. Madagascar, premier empire colonial français. Fort Dauphin, île Sainte-Marie, deuxième empire colonial français. Île Maurice, premier empire. Mayotte, deuxième empire, République française aujourd'hui. Îles éparses, Bassada India, Ila Ropa, île Juan de Nova, île Glorieuse, île Tremelin, deuxième République française aujourd'hui. Seychelles, premier empire. Tanzanie, Zanzibar, deuxième. Île Amsterdam, île Saint-Paul, archipel des Crozets, île Kerguelen, deuxième empire colonial français, République française aujourd'hui. Moyen-Orient, Castel Orizzo, de brièvement, deuxième. Liban, à l'époque Grand Liban, deuxième. Syrie, deuxième. 1920-1946. Turquie, Sanjak d'Alexandrette, maintenant appelée province d'Athée, deuxième empire colonial français, 1918-1938. Asie du Sud, Inde, moitié de l'Inde, et Inde française, premier, seulement Pondichéry, Karikal, Yanaon, Mahé, Chandernagore. Colonie française, panorama de lac Hai, Embarcadère, Hanoï, Océanie, Laos, Vietnam, Clipperton, Nouvelle-Calédonie, polyphonie française, Vanuatu, îles et Béryl, Wallis et Futuna. Et tous les autres, bonsoir à vous, bonsoir à vous. Als der Pfingsttag gekommen war, befinden dich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich von Himmel ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt. Und erfüllt das ganze Haus, in dem die waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilen. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle würden mit dem Heiligen Geist erfüllten beginnen. in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen hingab. Als der Pfingsttag gekommen war, begannen sie schon am gleichen Ort, da kam plötzlich schon immer ein Rosen. Wir haben eine Strecke schon da gehört, und er fällt das ganz Holz, in dem sie bewahren. Und Et cum complerentur dies Pentecostes erant omnes pariter in eodem loco factus repentere coelo sonus tamquam advenienti spiritus vehementis et coe perunt loqui varis linguis pro Spiritus Sanctus dabate loquilis. Mentre il giorno de Pentecoste sta per finire, se trovavano tutti insieme nello stesso luogo, apparvero loro lingue come di fuoco, ci si rivelavano e si passarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue. Come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et qui remplit toute la maison. Ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. We We were Mexicans. We were thirsty. We were angry. We were hungry. Suddenly from heaven, and it filled the holy house where we were sitting. There appeared into her cloven tongue like how the fire, and it sat upon each of us, and we were all filled with the Holy Ghost in employment pole, and we began to speak with other tongues as the Spirit gave us utterance. Thank you. La crève. Il est gentil. Il est sympa. Il vous veut du bien. Il va vous faire du bien. Il est gentil. Il est la crève dans son nez, dans sa bouche. Il est dans ses oreilles, dans ses yeux, dans son crâne, dans la sueur, les rêves. Il est la crève. Il est gentil. Il est amical. Il vous veut du bien. Il va... Il est appliqué. Il est... Il est globuleux, il est petit, il est collant, il est mou, partout, dans son corps, dans son muscle, la crève. Sur le tapis électrique, il est allongé, la sueur dans ses cheveux, il est dans ses joues la bouche, il est encombré, et la langue dans ses yeux jaunes. Dans ses oreilles collantes, et aussi de ses mains transpirent, transpirent des gouttes de sueur, pâteuses, encombrées, encombrantes. De sa bouche transpirent des gouttes de sueur. Il est gentil, il vous aime, il veut vous aimer. Il veut vous faire du bien. Il est dans ses mains, tout gluant, mais ce n'est pas grave. Il est sous ses aisselles, il est tout gluant. Il est entre l'arrêt des fesses, tout gluant. Entre l'arrêt jusqu'au paquet, il est tout gluant. Et des gouttes de sueur dans ses bras. Il veut vous faire du bien. Il veut vous faire du bien. La crève. La crève. La crève. Dans son buste. La statique, elle tourne imparfaite. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas grave. Sous ses aisselles, c'est gluant. La statique est déformée, il n'est pas normal, il a dans son corps, là et là. Il a, et peut-être même derrière aussi, là, il suinte, il est tout gluant. Il a le microbe partout, il a les bactéries, les enzymes, il le sent. Il est jusqu'en bas de la statique et elle tourne et ce n'est pas normal. Ou les pieds, même les pieds, derrière les pieds et au-dessus aussi. Et ça goûte du haut et ça goûte du bas et c'est gluant et c'est pas, c'est, ce n'est pas normal. Ce n'est pas grave. Mais ça goûte et c'est gluant. Oui. Non mais... Il le sent. Ce n'est pas grave, il est gentil. Il est gentil. Il veut vous faire du bien. Il est jaune en haut et il est jaune sur le fond bleu. Il est jaune et ça suinte. Il est jaune dedans aussi. Il est gorgé de liquide. La lymphe est encombrée aussi et dedans. Et la lymphe est plus rose que d'habitude. Il est la crève. Il déambule quand il peut. Il peut peut-être, parfois, toucher quelque chose, il peut peut-être vous toucher. Il est gentil. Il peut. Il vous veut du bien. Il peut, entre ses doigts, il peut vous toucher, il est gentil, il vous veut du bien, il va vous faire du bien, il va vous faire du bien, il va vous faire du bien, il va vous faire du bien. Oh, enfant. Mm-hmm. C'était Frédéric Bernier, live depuis le studio de Radio Picnic à Bruxelles. Merci beaucoup, Fred. Merci pour l'invite. Je voulais peut-être prendre ces dernières 15 minutes de l'émission qu'on a pour peut-être poser quelques questions et puis maintenant écouter des enregistrements que tu as amenés. À voir de qu'est-ce qu'on a le temps à disposition. Je voudrais peut-être commencer avec ce que tu as commencé, et savoir quelle influence a eu ta mère dans ton processus performatif ou musical. Ta mère et peut-être aussi la mère patrie, parce que ça a commencé un peu avec ça. La mère. Donc, c'est aussi un rapport à... quand on commence à travailler sur des altérations, sur des techniques de voix, on se pose des questions sur d'où ça provient, est-ce que c'est légitime, est-ce que, comment on utilise ça, de quelle manière. Donc quand ma mère me ramène des instruments de musique, parce qu'elle voyage beaucoup maintenant qu'elle est à la retraite, qu'elle acquiert des instruments de musique plus ou moins, enfin, qui moi, ce serait... Ça me fait rire à la fois parce que je n'oserais jamais. Pour certains instruments un peu spécifiques, elle a, par exemple, le bracelet, le fameux bracelet qui sert à les cérémonies. Donc, j'ai des instruments aussi qui servent dans cérémonie, mais ce n'est pas des instruments, je dirais, presque volés. Ce n'est pas volé à la force de l'argent du touriste. Donc, c'est une relation avec quelqu'un qui les fabrique ou qui... ou des pratiques un peu similaires qui nous rapprochent entre la personne qui fait l'instrument de musique et donc... Donc je ne peux pas faire autrement que les utiliser tels qu'ils sont, c'est-à-dire chargés d'une histoire exotique, voire coloniale. Mais je vais pas. Là récemment, j'ai rencontré plusieurs Canadiens. Je crois que je connaissais pas cette idée de la réappropriation culturelle. On sait que je crois que les Canadiens sont peut-être pour leur situation géographique plus sensibles à ça que, ou peut-être sont simplement plus sensibles. Mais il y a beaucoup cette question sur la réappropriation culturelle, en ça, de par exemple voilà, chanter dans une autre langue, utiliser des autres instruments ou des autres habits, c'est aussi dans le textile, comme ça. La coiffure. Ou dans la coiffure, comme ça. Et tu es sensible à cette chose ? Par exemple, pour moi, ça fait très. Pas longtemps que je me suis rencontré à cette question, comme ça, questionnement. Parce que là, en même temps, toi, ce que tu fais, c'est aussi une influence qui vient de cultures autour du monde, non ? D'une part, hein. Qui sont ouais. Te touchent, comme ça, pas, je voudrais pas, ça. Mais alors, je pourrais dire faire abstraction des cultures en parlant du son. Mais quand on commence à faire des recherches sur les techniques vocales, on s'aperçoit qu'elles sont présente dans, de manière populaire un peu partout, c'est-à-dire que on va ailer les animaux pour les faire rentrer, les diriger, enfin bon, ça dans toutes les cultures, il y a vraiment des formes qui se retrouvent un peu partout. Et après les techniques de chant, elles sont enfin le chant diphonique, polyphonique se retrouve dans le bel canto. Il suffirait de mettre un filtre sur du bel canto et on aurait ces polyphonies. Donc, à moins de choses spécifiques qui me grattent un peu les oreilles, comme les voix de gorge particulièrement, enfin les voix de gorge mongoliennes ou certaines polyphonies trop marquées et surtout trop réutilisées, je m'autorise parce que c'est dans les variations. Je les tiens pas comme un paysage, je les tiens comme même pas comme des citations, je les utilise comme des outils et ça passe je danse un pied sur l'autre, quoi. C'est vrai qu'en plus, moi, je viens des montagnes comme ça. Il y a parfois des montagnes des Alpes en Europe comme ça. Et certainement, quand j'ai commencé à entendre des musiques qui venaient, par exemple, des montagnes en Amérique du Sud ou d'autres montagnes, il y a quand même qui sont de l'autre côté de la planète. Il y a des chants qui pourraient être. Même des chants des Alpes aussi, c'est bien de l'Amérique du Sud. Donc il y a aussi un peu cette chose qui est une géographie qui n'est pas juste de latérale, mais aussi d'altitude, d'une part. Comme ça, non, et donc parfois, on se demande aussi d'où ça vient, ce type de chants. Comme ça, mais je voudrais peut-être parler au moment de la voix, parce qu'il y a la voix. Par excellence, c'est aussi une idée de l'extension du corps, constamment. Donc, certainement, la voix, c'est nous, mais immatériel, non ? Donc, par exemple, le cri, c'est notre rage, comme ça aussi, d'une part, non ? Donc c'est pour être un bras, ça pourrait être un cheveu, mais c'est quelque chose donc immatériel, comme la voix, comme ça, mais qui ne peut pas exister sans le corps même, non ? Donc, sans la gorge. La bouche ou le poumon, comme ça. C'est très pratique. C'est très pratique, comme la voix. Oui. Parce que il suffit de. Enfin, comme instrument, tu dis. Oui. Comme instrument, comme moyen très simple à la fois d'exprimer, mais à plusieurs degrés, c'est-à-dire que ça peut être complètement abstrait, ça peut être vraiment purement du chant, ou enfin, il y a toutes les... Il y a la sémantique, mais il y a le... Il y a le... Il y y a toute une, tout un panel d'outils liés à la voix. Et toute technique, en mode d'usage, ça sert à toutes sortes de choses. Bon, après, le côté pratique, c'est que c'est sur deux pieds. Quand tout va bien, c'est sur deux pieds, donc ça se trimballe facilement. Et ça agit tout de suite sur l'environnement. C'est-à-dire que la voix fait territoire. C'est-à-dire la distance, la voix fonctionne en boucle avec cette oreille et nous fait, et avec la statique, nous fait percevoir, en fait. On entend parce qu'on parle, et on voit parce qu'on parle et qu'on entend. Enfin, il y a quelque chose de ça, de l'espace qui se trouve autour de nous. Quand on rentre les yeux fermés dans un endroit, il y a ce truc-là du propre son qu'on émet et qu'on reçoit. Et c'est vraiment un territoire au sens des ritournelles, des petites chansons qu'on peut avoir. Et puis après, c'est s'adresser à quelqu'un. Donc ce qui est agréable, c'est qu'il n'y a pas d'interface. Donc là, oui, c'est pour ça que ce soir, il n'y a pas de machine. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de... Enfin, à part les micros qui enregistrent. C'est la possibilité d'avoir une sorte d'intimité de quelque chose qu'on a rarement dans tout le process, tous les processus de studio, d'enregistrement, avec beaucoup de machines, beaucoup de traitements, des choses comme ça. Il n'y a pas d'interface. Il y a juste ça directement. C'est ça qui est intéressant pour moi. Oui, peut-être la seule interface, c'est celle de notre propre caractère, de notre propre personnalité, qui nous influence comme ça. Donc, effectivement, c'est aussi la voix, c'est aussi quelque sorte un miroir. Tu crois qu'il y a un travail dans les cultures différentes d'influencer la voix, l'utilisation de leur voix? Parce que, je ne sais pas, il y a évidemment des différentes cultures où la voix elle est utilisée différemment, où t'as par exemple des peuples plus bruyants que d'autres, on sait, quand ils communiquent entre eux, par exemple les Italiens ou des langues qui chantent aussi, ou des Scandinaves, on sait, qui peuvent être un peu plus discrètes, ou les Russes qui sont réputés chanter souvent lors de rencontres, qui ont le chant facile, et des langues qui sont moins faites pour, ou qui sont, je sais pas comment dire. Oui, enfin, nous on perd quelque chose, je crois, mais c'est vraiment excessivement simple de le retrouver. Peut-être parce qu'on est passé par toute une sorte de produits dérivés du chant. Et c'est, enfin, moi je trouve ça important de commencer d'abord sans rien, enfin de se dépouiller, d'être nu. Du symbolisme, donc. Ouais, quelque chose d'assez nu pour s'exprimer, parce que après je peux rajouter des couches. Sinon c'est trop compliqué pour moi. Enfin, moi en tout cas j'ai du mal à faire avec beaucoup, parce que j'en mets déjà trop la plupart du temps, et donc la voix elle m'aide comme ça. Mais dans cette simplicité, est-ce que l'aspect animal, parce qu'il y avait des moments où ton chant il se rassemblait aussi à des chants de certains animaux, comme ça, ça fait assez longtemps que j'utilise ce nom de d'omnimal, et à la base c'était vraiment pour évacuer mon propre nom, mais en fait c'était aussi une sorte de pied de nez ou de blague gentille sur la réunion de la nature. Il n'y a pas vraiment besoin de réunion. Enfin, disons, nous sommes notre environnement, et donc nous sommes des animaux, ça de manière évidente, mais donc ça symbolise un petit peu ça, c'est-à-dire il n'y a pas de... Enfin, les différences, c'est nous qui les faisons. C'est-à-dire, on peut toujours s'aligner sur quelque chose, mais Mais effectivement, c'est d'abord. Mais aussi au niveau du sens et de la symbolique qu'il en sort, c'est-à-dire que les animaux parlent, nous parlent, nous parlons aux animaux, enfin voilà, donc on se parle, notre environnement nous parle, nous parlons à notre environnement et nous sommes tout ça, nous sommes ces animaux, nous sommes cet environnement, c'est un peu ça qui sort. Et donc du coup, le langage, il est pas. Faut pas l'attendre toujours derrière les mots, quoi. Faut pas. Enfin, il y a déjà le corps est là, très présent, même si on parle pas, même si on ne chante pas, il y a le corps qui est très présent, quoi. Moi, j'ai une petite fille, mais toi aussi. Je sais pas si tous les enfants ils sont comme ça, mais y a, par exemple, je vois que ma fille, elle est très, très. On habite dans une ville, donc il y a beaucoup de landscape, de panorama qui est très urbain et comme ça, mais elle arrive souvent à voir un petit oiseau à une distance assez grande sur une cheminée, comme ça, que moi je n'ai même pas pu m'en apercevoir. Comme ça. C'est comme si, donc, il y a ces formes, ces trucs qui sont beaucoup plus peut-être plus intéressants, plus attachés. Ouais. Elles correspondent à quelque chose, on comprend, on les lit. Parce qu'elles sont dans nous, elles sont à travers nous. Et c'est quelque chose qui vient de loin. Ouais, qui vient de loin. Et donc, alors que nous, les formes que nous créons de manière plus ou moins artificielle, y a beaucoup de choses un peu moches, peut-être que notre esprit nettoie. C'est-à-dire, on fait plus le focus sur ça. Enfin, d'ailleurs, heureusement qu'on fait plus le focus sur ça, s'il fallait se. En centre-ville ou dans un supermarché, tu vois, faire le focus sur toutes ces choses. Évidemment qu'on voit un chien, qu'on voit même un chien moche. Un chien moche, on le remarque et ce sera toujours plus sympathique qu'un bâtiment inappropos ou. C'est peut-être ça le truc. Ouais, tout à fait. Bon, on est arrivé à la fin de cette émission de Radio Picnic live depuis Bruxelles avec Frédéric Bernier. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup à toi. Ouais, à bientôt. Ciao, ciao. Très bientôt. Ciao. Radio Picnic with Collaboradio on 8080.4 Creative Radio in Berlin.